Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 35. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 7 mai 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique, au Mangin Palace, tu es Protège Tibia, tu es Real de Madrid, tu es Surface de Réparation, tu es Parc des Princes, tu es Poteau Carré, et tu es aussi... Je te jure, si un jour j'ai un fils, je l'appelle Zizou direct. Si j'ai une fille, je l'appelle Zizou, elle se démerde. Je te jure, j'adore Zizou. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu ne regardes pas téléfoot, mais tu es football. Le 9 juin prochain, en Allemagne, débutera la 18e édition de la phase finale de la Coupe du Monde de football, durant laquelle 32 nations, dont la France, vont s'affronter pendant un mois pour conquérir le titre suprême. Alors, à quelques semaines seulement de ce rendez-vous planétaire, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler un maillot bleu et des chaussures à crampons pour une séance d'échauffement avant cette Coupe du Monde de football. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du football. Pour commencer, du Havre Athletic Club, créé en 1872 au sacre mondial du 12 juillet 1998, il faut te retracer l'histoire du football français. Ensuite, il faudra essayer de te décrire les relations passionnelles qu'entretiennent les supporters avec leurs idoles sur le terrain. On enchaînera justement sur une interview exclusive de Bernard Pivot qui viendra nous parler de sa passion du ballon rond. Et puis, nous te dévoilerons la préparation de ce match de foot présidentiel qui aura lieu en 2007 entre deux clubs mythiques, l'UMP contre le PS. Et enfin, te raconter comment, depuis plusieurs mois maintenant, Monique et Jean-Claude préparent à leur façon cette Coupe du Monde de football qui approche. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et Jacques Vendron. Destination, though you may find from time to time complication. Just Va de l'avant, c'est ce que chante Curtis Mayfield en 1970 et c'est aussi le conseil qu'on voudrait donner aux Bleus qui sont en route pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc cette semaine au football alors que la Coupe du Monde débute en Allemagne dans un mois, le 9 juin exactement. Ainsi, que tu le veuilles ou non, ton quotidien risque d'être bientôt fortement envahi par le football. Et oui, tous les 4 ans, c'est la même chose, on ne s'en lasse pas, souviens-toi. Souviens-toi, il était une fois Séville, souviens-toi, leur légende est née ce jour-là, ces bleus-là. Ils mettent les stades en folie et 4 ans après, les revoilà. Chaud de vent, ils nous ont mis jeter des passes chaudement. Des passes, oui, mais de plate. Les gourmands, les amateurs de bons spectacles vont être servis. L'être humain, surtout lorsqu'il est de sexe masculin, a toujours aimé jouer à la baballe. On retrouve partout dans le monde et à toutes les époques des jeux de ballon. Ainsi, l'arpastum dans la Rome antique, la soule normande au Moyen-Âge ou le calcio florentin au XVIe siècle sont de lointains ancêtres de notre football. L'idée est toujours plus ou moins la même, placer une balle dans le camp adverse. Le football moderne apparaît, lui, en 1863 avec la création au sein des universités anglaises de la Football Association. Désormais, les règles sont fixées, dont la principale consiste à interdire de porter le ballon à la main. En 1863, le rugby et le football se différencient donc nettement. Dans un premier temps, le football est réservé à l'élite britannique, celle des universités anglaises. Mais rapidement, ce sport conquiert les classes populaires. En France, le premier club officiel, c'est l'AC, le Havre Athletic Club, créé en 1872. Ainsi, la démocratisation du football s'est déroulée en quelques années. Le football est rapidement très populaire. Plus qu'un sport que l'on pratique, le football devient très vite un spectacle auquel on assiste. Aujourd'hui, c'est un beau jour, on arrive des alentours, pour voir un match sans pareil se dérouler dans l'allégresse. Regardez sous le soleil tous les fervents qui se pressent, acclamant d'une voix folle les chevaliers du football, les volants. Les footballeurs qui sont joyeux, pleins de jeunesse, au combat, ils vont sans peur, hardi les gars et haut les cœurs. Hardi les gars et haut les cœurs, c'est le chant des supporters qui soutiennent leur équipe favorite. Car le football, c'est aussi une histoire de fierté et souvent de fierté nationale. Des matchs franco-britanniques pendant la Grande Guerre aux grandes compétitions mondiales, le football participe de la construction des identités nationales. Et oui, quoi de mieux qu'un match de foot pour souder une nation, souviens-toi. Le journal Jean-Marc Four. Bonjour, il est 22h52 hier soir. Attention, la France va chavirer. Sur France Inter, Jacques Vendroux. Dugarry qui part balle au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon en destination d'Emmanuel Petit qui marque. Martin. Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France est championne du monde de football. On joue les arrêts de jeu. Il y a l'arbitre marocain qui va... 22h55. La France a basculé dans la liesse, dans l'euphorie, dans le bonheur. Il semble évident que certains de nos politiques aimeraient beaucoup qu'en Allemagne, en juin prochain, les Bleus fassent un beau parcours, histoire que les Français pensent à autre chose qu'à la politique. Et oui, parce que le foot, ça monopolise la conversation. Après le match, il y a toujours des débats, comme par exemple ce lendemain du 12 mai 1976. Et si le poteau allemand, poteau carré, n'avait pas renvoyé le tir de Battenay et la tête de Santini? Et si Saramania avait visé quelques centimètres plus bas? Et si Rocheteau avait joué 90 minutes au lieu de 7? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme on dit, et Saint-Étienne ce matin aurait la Coupe d'Europe. Seulement voilà, c'est le Bayern qui a donc gagné hier soir à Glasgow, 1-0. Un but sur coup franc, un but à la stéphanoise. Le Bayern, avec 3 victoires en Coupe d'Europe, rejoint donc le grand Ajax, tandis que Saint-Étienne marche sur les traces du grand Reims. Dans les vestiaires, en délassant leurs chaussures, les Stéphanois avaient tout de même la tête un peu basse. Une phrase revenait comme une litanie. Encaisser un but comme ça, après avoir eu autant d'occasions, c'est tout de même trop bête. C'est tout de même trop bête, ces poteaux carrés qui ont fait perdre la Coupe des clubs champions aux Verts de Saint-Étienne en 1976. Les Verts étaient alors soutenus par toute la France et malgré leur défaite, ils ont été acclamés sur les Champs-Élysées. Et oui, je te l'ai dit, le foot, c'est une question de fierté nationale. Et si le football moderne est né en Angleterre, il s'est répandu dans le monde entier. En Europe, dès la fin du 19e siècle, mais aussi en Amérique latine, au début du 20e. Avec la décolonisation de l'Afrique, le football prend tout son sens comme vecteur du sentiment national, comme par exemple au Cameroun. La Ligue Noire pour Yado Cameroun avec les Lions indomptables. Le nom chrono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, nom chrono. Les défenseurs voient complètement flac. François Omandi, Amoti, Église, un solo, deux solo et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas, un dribble sorti du doigt de laboratoire footballistique des Tudus. La paix des glaces, il tire en gauche, il y est. Le football, c'est donc plus qu'un jeu. C'est un sport et surtout un spectacle. Le football est aujourd'hui autant un lieu de sociabilité qu'un lieu de mémoire. Par le plaisir qu'il procure aux supporters, le football a su conserver de ses origines un aspect ludique au cœur de la compétition. Et oui, le football, ça donne du plaisir et parfois, la Canebière et le Vieux Port sont en délire comme en mai 1993. Le journal Denis Lemarié. Bonjour à tous, la Canebière et le Vieux-Port en délire pour le sacre de l'OM. Plus de 20 000 personnes ont fait la fête cette nuit. Ce n'est rien à côté de ce qui attend cet après-midi les champions d'Europe pour leur retour à Marseille. C'est la première fois en France et on a montré à la France qu'on était le plus fort. Milan, c'est fini, ça n'existe plus. C'est rayé de la carte. Maintenant, c'est Marseille, le centre de l'Europe. C'est Marseille. On a gagné la coupe. On a gagné. Ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné, cette putain de coupe. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans que j'en vis. Superbe. C'est Basile Boli qui a offert à l'OM le but de la victoire. Les Marseillais ont su résister ensuite toute la seconde mi-temps aux attaques de Jean-Pierre Papin et du Milan AC. Oui, alors voilà, le football donne pendant 90 minutes l'illusion d'une communion collective autour de héros s'époumonant derrière une balle de cuir. Mais si le foot est sans conteste le sport favori dans le monde, il ne fait pas l'unanimité. Car du merchandising aux dérives mafieuses, du dopage aux violences dans les stades, le football n'est pas sans appeler la critique. Le football, quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron en ahanant des râles vulgaires de bœufs éteints? Quel bâtard en rude de quel corneau branlé oserait manifester publiquement sa libido en s'enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquets d'huîtres à grands coups de pattes grasses et mouillées en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rocker d'usine? Je vous hais, footballeur. Vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. Quand j'étais petit garçon, je me suis cru longtemps anormal. On me disait « à la fille » ou bien « tiens, il est malade ». Tellement l'idée d'anormalité est solidement solidaire de la non-footballité. Je vous emmerde, je n'ai jamais été malade. Quant à la féminité que vous subodoriez, elle est toujours en moi et me pousse au temps chaud à rechercher la compagnie des femmes, y compris celle des vôtres, que je ne rechigne pas à culbuter quand vous vibrez au stade. C'est clair, dans un mois, dans le monde entier, il va y avoir beaucoup de femmes de footballeurs délaissées par leur mari. Avis aux amateurs. C'est ça qui est bien. Avec la Coupe du Monde, il n'y a pas besoin d'attendre le premier match de la saison. Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires, Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Ray n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Ray demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Ray a marqué ses points. Saint-Etienne qui mène déjà 2-0, deux buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs à tester premier doublé. Johnny Rep qui récupère le ballon en position derrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Parizon. Gérard Parizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au fait penalty. Et Johnny Rep qui marque le troisième but de l'équipe de Saint-Etienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Etienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Les Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep. Johnny Rep, joueur de football emblématique des 70s, chanté par Mickey 3D en 2004 sur un album intitulé Live à Saint-Etienne. Saint-Etienne parce que vendredi prochain, nous célébrerons le 30e anniversaire de la finale perdue par les Verts à Glasgow contre le Bayern de Munich ce 12 mai 1976. Alors, pour continuer notre voyage et nous rapprocher de notre but, après avoir survolé l'histoire du football français, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous arrêter quelques instants sur les relations passionnelles qu'entretiennent les supporters avec les idoles sur un terrain de football. En France aujourd'hui, grâce à Aimé Jacquet, dit Mémé, plus personne ne peut ignorer que le football est avant tout un sport collectif. La victoire est en nous, disait-il en 1998, à la seule condition que nous arrivions à jouer au ballon ensemble. Pour Aimé Jacquet donc, la clé d'un match se trouve bien sûr dans la résistance du collectif face à l'adversité. Alors, le collectif, bon, d'accord, mais c'est bien gentil tout ça, car en réalité, l'histoire du football passe bien entendu par la légende des joueurs d'exception. Pelé, Beckenbauer, Platini, Maradona ou Zidane transcendent leur équipe et sont devenus de véritables idoles dans le cœur des supporters. D'ailleurs, quand ces joueurs de génie se blessent, les véritables amateurs de football sont très inquiets pour leur équipe. Bonsoir messieurs, vous êtes les patrons de TF1, Patrick Lelay, Étienne Moujotte. On vous sent affecté par cette blessure. Évidemment, connard, j'ai payé 1,5 milliard, je te dis. Oui, Zidane blessé, c'est de l'intérêt du sport. Qui blessé, on s'en fout. Il a deux jambes alors qu'il joue avec l'autre. Mondial, c'est pas que l'équipe de France, c'est la fête du sport. Le sport, mais je m'en cogne du sport. J'ai pas payé 1,5 milliard pour Chine-Costa Rica. Faut trouver une solution, merde. Ah oui, mais l'incertitude du sport, c'est sa beauté. Mais vous êtes con quoi. Faut rentabiliser Zidane, c'est tout. Même si je dois le vendre en pièces détachées, il me crachera le pognon que j'ai misé sur ces guibolles pourries. Eh oui, ceux qui aiment vraiment le football ne supportent pas de voir leurs idoles clouées sur le banc de touche. La passion est trop forte. Au passage, il faut souligner que cette passion des supporters n'est pas réservée de manière exclusive à l'élite du football mondial. Et oui, dans les petits clubs de province, il y a également de véritables stars locales, des joueurs de foot qui plantent des buts le dimanche après-midi pour le plus grand plaisir des spectateurs. Après l'accordéon, le football, Valéry Giscard d'Estaing a marqué un but cet après-midi contre l'équipe des commerçants de Chamalières qui avait lancé un défi au conseil municipal. Les deux équipes ont fait match nul 2-2 devant 3000 spectateurs. Valéry Giscard d'Estaing a sauvé son équipe en égalisant sur pénalty à une minute de la fin de la rencontre. Il avait suivi un entraînement très particulier. Je signe entre 100 et 150 lettres par jour. Alors j'ai le bras droit qui est assez entraîné pour les jambes, mais évidemment c'est moins efficace. Et pour la culture physique? Ah, pour la culture physique, je fais une demi-heure de culture physique tous les jours. Et puis j'essaie de faire quand je peux, c'est un petit peu de sport. Et c'est pour ça que nous avons relevé le défi des commerçants de Chevalière. Je sais qu'en matière de ski, vous êtes très compétent. En football, vous vous êtes entraîné. C'est un sport de jeunesse. Pour moi, c'est un sport de jeunesse. J'ai joué au football au lycée, et puis un petit peu dans l'armée, et puis je dois l'avouer, jamais depuis. Cela dit, à l'époque, président Giscard devait déjà jouer libéraux et sans doute n'avait-il pas le monopole du ballon. Par ailleurs, dans les relations passionnelles qu'entretiennent les supporters avec les stars du football, il ne faut jamais négliger non plus la frénésie érotique que certains joueurs virils provoquent parfois autour d'eux. Longtemps, on a pensé que la sensualité masculine était plutôt réservée aux acteurs de cinéma ou aux chanteurs de rock. Eh bien non, parce que... Oui, même le football a ses idoles. Mais bon, quand on est un joueur de football célèbre et désiré, il faut tout de même faire attention. Car ici comme ailleurs, les feux de la rampe peuvent s'éteindre très vite. Et là, tous ces supporters, soi-disant passionnés, ne savent même plus qui tu es, les ingrats. Vous vous souvenez de moi ? Jean-Pierre Papin, PAP1. Marseille, numéro 9. Praline, cacahuète, patate, tout ça. À un moment, j'avais fait de la pub pour Bic, les rasoirs. Et puis là, ils m'ont remplacé du coup, hein. Ils ont pris Canto. Salut. Voilà. Je vous le disais dans la pub, hein. Ça durera pas toute la vie. Mais quand même, hein. Je pensais pas que ça irait si vite. Bic, les footballeurs jetables. Absolument. Là aussi, ici comme ailleurs, les lois du marché sont féroces avec les stars du foot. Quand tu es au sommet de ta carrière et que les foules t'adulent, tu peux faire vendre à peu près n'importe quoi. Des biscuits, des produits laitiers, du shampoing, parce que tu le vaux bien. Mais lorsque la passion des supporters s'étiole, tu n'intéresses plus personne. Cela dit, certains génies du football parviennent à rester pour toujours dans le cœur des supporters. Les véritables stars, quoi. Car aujourd'hui, petit Jacquet est devenu grand. Alors, nous voici donc arrivés à la mi-temps de cette émission consacrée au football. Et pour enrichir notre regard sur l'univers du ballon rond, nous allons tout de suite rejoindre en tribune présidentielle un authentique amateur de football que nous avons joint cette semaine au téléphone, à savoir le facétieux Bernard Pivot. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé s'il jouait beaucoup au foot quand il était môme. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. J'ai beaucoup joué, j'étais un fou de football. J'ai découvert le football vers l'âge de 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale et j'ai joué jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai joué pupille, minime, cadet, junior et vraiment par plaisir et sans être particulièrement doué. Même, je dirais même au contraire, je n'avais pas une grande technique, mais j'étais quelqu'un qui adorait le ballon, qui adorait surtout l'esprit d'équipe, jouer avec mes camarades de pensionnat. Puis après de lycée, puis après de faculté, et c'était un vrai bonheur pour moi. Et vous jouiez quel poste ? Alors je jouais, le mot a disparu, je jouais inter. On dit maintenant milieu de terrain, je jouais inter droit. Et vous avez le souvenir d'un, d'un but qui vous a marqué, que vous auriez marqué d'ailleurs Oui, alors il y avait une chose qui était formidable, c'est que lorsqu'on marquait un but, l'entraîneur de l'équipe était le professeur de mathématiques. Et inutile de vous dire que j'étais très mauvais en mathématiques. Et comme on jouait le jeudi après-midi à l'époque, le vendredi, je me souviens très bien, je ne sais plus en quelle classe c'était, on nous avions une interrogation de mathématiques. Et celui qui avait marqué un but était toujours dispensé d'interroger. Alors évidemment, j'étais ravi quand les rares fois où je marquais un but, parce que je savais très bien que le lendemain, je n'avais pas à apprendre ma leçon de mathématiques. Oui, on comprend bien, c'est un tarif plutôt intéressant. Mais dites-moi Bernard Pivot, au-delà de cette pratique du football dans votre jeunesse, est-ce que vous êtes supporter d'un grand club professionnel ? Ben, j'ai toujours supporté l'équipe de Saint-Étienne. Quel est votre plus beau souvenir devant un match de football ? Il y a deux ou trois qui sont liés à Saint-Étienne, c'est évidemment le match retour à Kiev. Le match retour à Saint-Étienne contre Kiev, où au priori ils n'avaient aucune chance de s'imposer, et puis, ils ont fait la prolongation et Rocheteau a marqué. Donc ça, c'est un souvenir tout à fait exceptionnel. Et je garde en mémoire aussi un match terrifiant. Et j'ai vu d'ailleurs que Herbin en parlait. Et il se trouve que j'y assistais. C'est le match qui a eu lieu à Saint-Étienne contre Nîmes, quelques jours avant la finale de la Coupe d'Europe à Glasgow. Et ça avait été effrayant parce que les Nîmois l'équipe de Nîmes de l'époque avait vraiment agressé les joueurs de Saint-Étienne sous les yeux d'un arbitre débonnaire. Et c'est au cours de ce match que Saint-Étienne a perdu deux de ses meilleurs joueurs, c'est-à-dire Farizon et Sinagel, qui n'ont pas pu être alignés à Glasgow. Et je pense que le jour où Saint-Étienne a perdu sa finale de la Coupe d'Europe, ça a été sur son terrain quelques jours avant contre Nîmes. C'était Bernard Pivot pour La Panique au Mangin Palace. Try talking to you, while you do, what you do. I swap places with you, just to see things through. Just sing me the tune, and you'll see. I'll keep it here for you, I'll wait for your cue. Hallway chante le groupe 07 sur l'album intitulé The Garden 7-0. C'est un peu le score que pourraient faire les Bleus en finale de la Coupe du Monde de football en Allemagne face au Brésil. C'est ça qui est bien avec le foot, on peut toujours rêver. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers du ballon rond, La Panique, toujours en direct du Mangin Palace, va te dévoiler les secrets de la préparation des deux grandes équipes rivales qui vont s'affronter dans un an, à savoir la droite et la gauche, autrement dit l'OMP et le PSG, bien sûr. Et oui, si le calendrier n'est pas modifié, en mai 2007, devrait avoir lieu une grande confrontation entre ces deux grands clubs mythiques. Chacun se prépare donc activement pour ce match. Ainsi, les hymnes officiels ont déjà été trouvés. Pour le PS, l'entraîneur Hollande imagine ses troupes alignées, le poing levé, quand retentira dans le stade l'hymne électoral socialiste. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'équipe socialo, au maillot rose, va donc devoir affronter le tenant du titre, l'UMP, qui a remporté les coupes électorales de 1995 et 2002, beau palmarès. À l'UMP, le maillot est bleu, bien sûr, et à l'UMP, on a aussi un hymne. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là vont jeter la clé. Peuplé de cheveux longs, reliée de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous. Elle sera dernière à rester debout. Elle sera dernière à rester debout, c'est le souhait de l'équipe UMP. Il faut dire que le président du club, M. Chirac, a fixé des objectifs très nets pour ce match qui devrait avoir lieu le dimanche 6 mai 2007. Je veux qu'on gagne dimanche, le reste je m'en fous. J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 800, qui n'attendent qu'une occasion pour s'agiter. J'ai besoin qu'on fasse une bonne saison. Eh oui, président Chirac, il a besoin de faire une bonne saison pour que son club gagne la coupe présidentielle en 2007. Mais il est inquiet, président Chirac, car il n'a pas réussi à créer un esprit collectif comme l'avait fait Aimé Jacquet avec les Bleus en 98. Dans l'équipe de l'UMP, il y a l'attaquant, Sarko, allié droit, qui se la joue perso et qui se verrait bien remporter seul la coupe présidentielle. TF1 retransmet, la crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification, je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Et c'est vrai qu'il est fort, l'attaquant Sarko, pour mettre de l'huile sur le feu et jouer à droite toute. Il faut dire qu'il a le soutien des militants, pardon, des supporters de l'UMP. Et oui, quand Sarko entre sur le terrain, tout le virage ouest du stade Charles de Gaulle se met en transe. Sarko, en ce moment, c'est l'attaquant vedette de l'UMP. Et ça ne plaît pas toujours à ses coéquipiers, surtout au capitaine Dominique de Villepin. D'ailleurs, durant le dernier entraînement, il y a eu un contact un peu viril entre les deux joueurs. Un mauvais geste de Villepin sur Sarko, un tacle à la Clearstream qui n'a pas arrangé leur relation. Mais bon, Sarko, ce type de jeu, ça ne l'effraie pas. Tu peux me piétiner si tu veux me coucher sur une civière. Tu peux me faire une chumareur, je me tendrai pas de douleur. Tu peux bien me casser en deux, après la pluie vient le ciel bleu. J'en aurais moins de rancœur que non, non, tu les bleus. De France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Et oui, il y a des tensions dans l'équipe de l'UMP. Il y a beaucoup trop de prétendants au poste d'avant-centre. Et puis, dans cette équipe, la communication ne passe plus. Et oui, le problème, c'est que les joueurs ne disent pas tout au président du club, M. Chirac, qui, quand il vient voir l'entraînement sur le terrain, croit que tout se passe bien. Bonjour, Monsieur le Président. Tout se passe bien ? Très bien, oui. Bon. Là, je leur fais faire un petit match, première réserve, ça va bien. Très bien. Bonjour, Monsieur le Président. Comment ça va, mon grand ? Ça va, j'ai une petite contracture à la cuisse, mais c'est pas grave. Oh, fais attention de ne pas te claquer. Oui, monsieur le Président. Attention. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va brouiller le maillot, hein ? Allez, allez, on se défonce. Bon, allez, on y va. Et oui, il va falloir se défoncer pour gagner le match de 2007. Surtout que depuis que le capitaine de l'UMP et le milieu de terrain Villepin a une entorse du CPE et un déchirement du ligament social, parce que l'équipe du PS, l'ancien tenant du titre, est chaud bouillant. Dans le stade Solferino, les difficultés de l'UMP, ça a redynamisé le club du PS. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, swing it. Eh oui, les difficultés que traverse le club champion de droite a redonné confiance au camp adverse qui était KO debout depuis leur défaite en demi-finale en 2002. Alors là, du coup, le capitaine Hollande, il fait tout pour motiver son équipe et surtout, il a un programme, enfin, une tactique. La tactique, elle est simple, hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont prêté de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vies. Je veux que vous me les défonciez. C'est ce qu'il a dit, numéro 10. Les polacs qui leur chiaient sur la gueule. Bon, alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. La victoire au bout du pied, et la gloire au front défilé, l'ennemi désemparé. Nous serons les premiers en 2007, c'est bien sûr ce qu'espère l'équipe du PS. Enfin, être les premiers, ce ne serait déjà pas si mal d'arriver en finale. Voilà ce que pense un remplaçant de l'équipe qui s'est de lui-même mis sur le banc de touche, l'arrière-gauche Jospin. Mais

en revoyant les images de ce match mythique qui a opposé la France à l'Allemagne en 1982 à Séville, Jean-Claude est bouleversé. Sa passion pour le football a ressurgi, telle une poussée de fièvre. Du coup, dans la foulée, il a décidé de reprendre du service et il est devenu le coach de l'équipe première de sa petite ville. Mais bon voilà, les mois se sont écoulés et, comme souvent, le football a un peu dévoré sa vie quotidienne. D'ailleurs, Monique le lui reproche et s'en plaint régulièrement. Pourquoi n'y a-t-il que le football qui t'intéresse? Préfères-tu les coups de pied à mes caresses? Je te demande pourquoi, oh, oh, l'amour, il n'y a pas de championnat. Oh, oh, l'amour, il n'y a pas de championnat. Oh, oh, l'amour, il n'y a pas de championnat. En effet, depuis que Jean-Claude entraîne cette équipe de foot, Monique, elle, trouve notamment que leur vie sexuelle s'est un peu appauvrie. 2 saillies par mois, ce n'est quand même pas grand-chose. Et en plus, elle lui dit à Jean-Claude que, désormais, au lit, tu rames. Cela dit, depuis quelques semaines, Monique fait des efforts et tente de partager la passion du football avec Jean-Claude. T'es prêt? Ouais. Ok. Raoul. Le Portugal. Non. Luis Figo. L'Espagne. Mais non. Thierry Henry. L'Angleterre. Bah non, ça c'est un piège. Zinedine Zidane. La France. Ah d'accord. Et Raoul pour l'Espagne. Ouais. Figo pour le Portugal. Ouais. Thierry Henry pour la France. Ouais. Zinedine Zidane pour la France. Qui va gagner, c'est là? La France. Voilà. Alors, au-delà de cet apprentissage difficile en vue de la prochaine Coupe du Monde, Monique a redoublé d'efforts et s'est également investie dans le même club que Jean-Claude en tant que trésorière de l'équipe féminine de football. Mais là aussi, c'est compliqué pour Monique. Si je vous ai convoqué, c'est qu'il y a urgence. Je reviens de la mairie, là, et ils veulent nous retirer la subvention. C'est-à-dire, si on continue comme ça, avec les résultats, c'en est fini du foot féminin à Arpajon. On a encore pris 6 buts avant-hier. Alors moi, je ne sais plus quoi vous dire. Hein? Je ne sais plus quoi vous dire. Il y a vraiment un très gros problème en défense. Bon, Fabienne, écoute, je te demande de muscler ton jeu. Alors muscle ton jeu, Fabienne. Hein? Cerveau veut, corps veut. C'est vrai que moi, je suis gauchère, j'ai jamais compris pourquoi je jouais à droite. Hein? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un très gros problème en défense. Vu? Cela dit, il n'y a pas que dans l'équipe féminine du club qu'il y a des problèmes en défense. Et oui, dimanche dernier, pour l'équipe de coach Jean-Claude, se jouait le match de la dernière chance et il fallait impérativement gagner pour se maintenir. Alors, comme une ultime cartouche, Jean-Claude a recruté pour ce dernier match un joueur d'exception, Robert Tao, en qui Jean-Claude place beaucoup d'espoir. Brésilien, la nuit est belle sous son grand de carnaval. Ta musique me ficelle tel un cordon ombilical. À son ventre de cristal dont le pistil d'étincelle le feu pour mon bonheur brutal. Brésilien, la nuit est belle sous son grand loup de carnaval. Ta musique me ficelle comme un fils à son grésil. Des bacs avec ton Brésil. Des bacs avec ton Brésil. Des bacs avec ton Débarque avec ton Brésil, c'est le vœu de Jean-Claude pour ce dernier match de la saison. Il a tout misé sur Robert Tao, ce jeune joueur brésilien originaire de Guadalajara à la conduite de balle sublime. Va-t-il s'entendre avec ses partenaires? C'est la question que se pose Jean-Claude dans le car qui les conduit au stade. À quelques minutes du coup d'envoi, Jean-Claude se retrouve dans les vestiaires. Il y a foule au stade municipal. Nerveux, Jean-Claude tente tout de même d'expliquer à ses joueurs comment ce match de la dernière chance doit se dérouler. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire. Quand on a le ballon au bout des pieds. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet et on a marqué. La La première mi-temps est très tendue. Monique, elle, est venue soutenir l'équipe entraînée par Jean-Claude et surtout Robertão, le jeune joueur brésilien. Monique se rend compte tout à coup qu'elle n'est pas insensible à la sublime plastique du joueur sud-américain. Certes, il est jeune, mais il semble sacrément bâti. Monique voudrait bien le voir nu dans les vestiaires à la fin du match, juste pour en avoir le cœur net, car elle se dit que... Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais la voir. Là-dessus, l'arbitre siffle à mi-temps sur le score vierge de 0 à 0. Dans les vestiaires, Jean-Claude donne ses consignes et remanie l'équipe. Il faut marquer. Monique, elle, est ravie de revoir Robertão sur le terrain pour la deuxième mi-temps et elle l'encourage. Malheureusement, il ne reste plus que quelques secondes avant la fin du match et le score est toujours vierge. Jean-Claude a échoué, il va être viré du club. Mais c'est alors que Robertão s'empare du ballon, quelques passements de jambes, une course folle, trois petits ponts et le voilà qui se retrouve face au but adverse. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Incroyable, le stade municipal s'enflamme, Robertão vient d'ouvrir le score, un but sublime en pleine lucarne. Ça y est, la fin du match est sifflée, Jean-Claude explose de joie et se précipite sur la pelouse pour embrasser son jeune prodige brésilien. Jean-Claude pète les plombs et dans son délire dit à Robertão que... Jean-Claude n'a plus peur de rien. Grâce à cette prouesse technique de Robertão, le club de foot est sauvé. Jean-Claude va sans doute être reconduit à la tête de l'équipe pour la saison prochaine. Fin de l'histoire. De son côté, Monique, elle, a décidé que pour la prochaine Coupe du Monde en Allemagne, elle soutiendra le Brésil, ce joli pays tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse aqui vem ter campeão mundial em fevereiro. Tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Eu sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Moro num país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. País Tropical, un tube international du brésilien Jorge Ben en 1977. País Tropical parce qu'en football, le style brésilien avec le roi Pelé a su s'imposer dans le monde entier. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers du football. De France-Allemagne 82 à UMPS en 2007, de Guadalajara au Mexique à Rio au Brésil, des coups francs magiques de Platini à cette bombe sexuelle de Robertão, de Zidane attaquant à Bernard Pivot, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le football à un mois maintenant de l'ouverture de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. D'ailleurs, pour y voir plus clair, la panique au Mangin Palace a décidé cette semaine de faire appel à un mage très particulier à qui nous avons demandé ses pronostics pour la compétition. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir chez vous le plus grand astrologue du service public, le monsieur Soleil de France Inter, j'ai nommé le grand mage de Charivari, le gourou de Roquemort, à savoir monsieur Frédéric Bonneau. Alors merci beaucoup d'être là. On va commencer tout de suite par un gros rendez-vous 2006, puisqu'il y a une énorme Coupe du Monde qui nous attend au mois de juin en Allemagne. Énorme, on ne sait pas, une Coupe du Monde. Oui, d'accord, une Coupe du Monde. Et alors, pour vous, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà un 2-3 favoris? Qu'a dit votre boule sur la Coupe? C'est délicat, vous savez, parce que l'équipe de France, elle est dirigée par un confrère à moi, un astrologue aussi, Raymond, monsieur Raymond, Raymond Domenech. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la France marquera plus de buts cette fois que la dernière. Voilà. C'est pas mal. Elle a marqué zéro, donc là, on peut voir, quoi. Voilà. Alors, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que Thierry Roland rêvait d'une finale France-Allemagne comme une revanche. Non, France-Allemagne, ça, c'est pas possible. Ah bon, et pourquoi? En revanche, Trinité et Tobago contre Ghana, ça, je le vois bien venir. Ah bon, d'accord. Donc, des équipes surprises. D'accord. La surprise vient peut-être de Trinité et Tobago. Trinité et Tobago. D'accord. Ouais, très bien. L'Ukraine, rien, non? Non, l'Ukraine, rien du tout. Merci beaucoup, monsieur Bonneau, pour toutes ces informations. On vous retrouve demain soir à 18h15 sur France Inter, bien sûr. Alors, pour terminer cette émission, la panique au Mangin Palace voudrait maintenant s'adresser à ceux qui n'aiment pas le football. Et oui, il y en a. La panique a cherché pour eux des occupations à faire en 90 minutes, c'est-à-dire pendant la durée d'un match. Pendant un match de foot, ceux qui n'aiment pas le sport disposent donc de 90 minutes pour, par exemple, cuire 30 œufs à la coque à la suite. En 90 minutes, on peut aussi faire plusieurs fois l'amour avec la femme du joueur de foot qui, lui, est sur le terrain. En 90 minutes, on peut également faire un trajet Paris-Poitiers en TGV ou bien encore avancer de 3 km sur le périph aux heures de pointe. Et puis, le quotidien Libération du 4 mai dernier nous apprend qu'aux États-Unis, dans l'Ohio, il a fallu près de 90 minutes d'agonie pour exécuter Joseph Clark, condamné à mort pour un meurtre. Les techniciens chargés d'injecter le sédatif n'avaient pas trouvé la veine, pas de bol. Alors, il n'y a pas à dire, face à la barbarie ambiante, un match de foot, ça reste quand même... 90 minutes de bonheur, c'est la chanson de tous les footballeurs. Taper dans un ballon, se retrouver enfin, 11 joueurs, 11 copains qui ne font qu'un. 90 minutes de bonheur, on va se battre de tout notre cœur. Mouiller notre maillot, défendre nos couleurs, faire match nul ou encore mieux être vainqueur. Georgette Plana dans le bonheur pendant 90 minutes en 1978. Voilà, fin du 35e épisode. C'était C'est quoi le football ? Revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Footrack et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace. Ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Nutel, alias Maître Yoda. Merci beaucoup Marco, qui était assisté aujourd'hui à la technique de Michel Bertin et de Alain Gadan. Merci beaucoup à vous deux. On dit aussi merci beaucoup à Amel Caldi, à Thierry Dupin, à Catherine Pinto, notre jeune stagiaire. Voilà, par ailleurs, vendredi prochain, France Inter consacre une journée entière à l'anniversaire de la finale perdue à Glasgow par les Verts. Tout cela sous le magistère de Jacques Vendron. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Donc pour nous résumer, Jean-Michel, à tout moment, la cabane peut tomber sur le chien et quand il y a le feu dans la maison, il faut l'éteindre.